Le journal, le quotidien nous apprenait sur la plume de Joanne Saint-Pierre au cours du week-end que deux athlètes de Dolbeau-Mistassini, soit William Veilleux et son père Harold Veilleux, ont battu des records canadiens en fin de semaine. Dans le cas de William Veilleux, c'est même un record du monde. Pour en discuter, on parle avec leur entraîneur Mario Roy. Salut Mario! Bonjour! Ça va bien, ça va bien. Hey Mario, honnêtement, est-ce que tu t'attendais vraiment? Lorsque vous êtes parti pour Drummondville, je connais très bien William, c'est un homme très fort, Harold également. Mais est-ce que, honnêtement, on s'attendait d'un record canadien et même dans le cas de William, un record du monde? Oui, je peux dire que je m'en attendais un peu parce que la préparation avait été faite adéquatement. Il avait fait des gros levées en gymnase. Il reste toujours le stress de la compétition. Il peut toujours avoir aussi des erreurs techniques. Mais physiquement, il était prêt à faire ses levées. OK. Est-ce que vraiment c'est... bon, dans le cas de William, on dit que c'est un record du monde. Il est même en avant de son temps, selon ce qu'on a pu lire dans l'article. Est-ce que est-ce que quand même la dynamophilie, c'est que ça reste un jeune sport, est-ce que c'est un sport qui progresse quand même? Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde? Oui, depuis quelques années, ce qui a fait progresser vraiment la dynamophilie, c'est qu'avant ça, les éleveurs vivaient avec des équipements, soit des genres de soutes, des super soutes qui appelaient, des bandages aux genoux, etc. Maintenant, les éleveurs lèvent ce qu'on appelle classique ou raw en anglais. Ça veut dire qu'on doit seulement une ceinture, puis ils portent un petit cinglet. Ça fait beaucoup moins de dépenses pour les athlètes pour ces costumes-là qui étaient presque inutiles. Puis c'est plus facile aussi, c'est moins dur pour les athlètes. Puis on peut dire aussi que dans la Fédération du Québec, il y a des tests, c'est testé. Ça veut dire que ça encourage les athlètes qui veulent faire des compétitions propres. Ça a aidé beaucoup. Donc, je peux dire depuis 3-4 ans, là, il y a une grosse expansion là, au niveau des membres là, de la Fédération du Québec. William, dans le cas de William, on le connaît très bien, c'est un gars calme. Ça doit, à quelque part, quand tu me mêlais le stress de la compétition, ça doit être à quelque part une de ses forces, ça? Ben, j'ai ça, parce que j'en ai entraîné des centaines d'athlètes. Il y a des athlètes qui ont une nervosité négative, on appelle. C'est qu'ils vont faire beaucoup moins en compétition qu'en classe. Par contre, William, c'est différent. Sa nervosité est positive, il y a un bon stress, il est capable de se contrôler pour un jeune homme de cet âge-là. Il est capable de canaliser son énergie, puis faire plus un peu. Parce que, mettons, vous donner un exemple, en gymnase, il avait réussi 230 kilos, son meilleur soulevé de terre, puis là, il a fait 5 kilos de plus, c'est-à-dire 11 livres de plus en compétition. C'est bon signe que c'est un gars qui gère très bien sa nervosité. Est-ce que la compétition était quand même assez forte là-bas? La compétition était forte, parce que c'est un champion mondial, mais dans la catégorie à William, les autres étaient très loin, parce que lui, il est vraiment à part des autres. Là, c'est vraiment un phénomène. Ah oui, vous le voyez où? Parce que vous dites vous dites dans l'article de Joanne Saint-Pierre qui est même en avant de son temps, qu'à 19 ans, c'est un super athlète. Ben là, il y a 16 ans, la catégorie où il compétitionne, ça arrête à 18 ans et 11 mois, 12 mois, et 11 mois. Ça veut dire qu'il y a encore deux grosses années à faire dans cette catégorie de sub-junior, le sous-junior là, de moins de 19 ans. Puis déjà là, il est le meilleur au Canada. Parce que la plupart du temps, les records sont faits en fin d'âge dans les catégories respectives. Normalement, les champions, ils ont 17, puis la plupart ont 18 ans. Oh, fuck it. Ça veut dire que l'avenir lui appartient. Là, c'est incroyable. c'est pas... Puis physiquement également, c'est un gars qui est bien fait, qui est bâti également. Oui, mais il est pas énorme, puis il a un physique assez longiligne. Il annonce pas ça. Mais il y a vraiment une génétique, là, vraiment, là, surtout au niveau de son bas de dos. Okay. Il y a vraiment une force exceptionnelle. OK. Harold, maintenant, pour 50-59 ans, c'était encore une fois lui aussi. Ben, écoute, Harold, c'est un gars qui a fait l'homme fort, qui a été dans l'organisation, qui en a vu d'autres, autrement dit, dans ces genres de compétitions. On peut dire que c'est un vieux de la vie. ça fait des années qu'il s'entraîne. Il est professeur d'activité physique de profession. Harold, c'est toujours entraîné très dur, mais ça fait seulement sa deuxième compétition qu'il fait. Faut lui donner ça. Je trouve que c'est très bon. C'est bien beau faire de l'entraînement en gym, mais la compétition, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 7-8 mois de préparation seulement. Puis faire un rapport au Canadien après 7-8 mois de préparation, ça démontre un gros potentiel. C'est pas pour rien que William est... Il y a des résultats plus en famille, parce que même le grand-père... Le grand-père a 76 ans, puis Germain qui prétend qu'il va participer, puis on l'a vu, on le voit à des compétitions également, l'homme fort... Il suit son petit-fils, puis il a même participé à une compétition d'homme fort dans les premiers régionaux qu'il y a eu à Mistassini. Effectivement, puis mettons qu'avec un peu d'entraînement, Germain, qui est le grand-père, aurait pu aller bien loin, là. on ne se contente pas de ça. Ah oui, c'est ça. Et certains gars comme Germain, avoir commencé comme jeune, puis je l'avoir eu entre mes mains, ça aurait fait un... tout un OK. Dans la 50-59 ans, dans la classe Carole E, est-ce que ça dit quoi, cette classe-là? Est-ce que c'est vraiment une classe assez forte ou... Carole, il a fait un record canadien à la flexion des jambes, soit le squat en anglais. Il aurait pu faire un peu plus au total, il a fait une couple d'erreurs techniques, un manque d'expérience, mais moi, je lui donne un an encore, puis il peut être champion canadien dans sa catégorie. C'est pas canadien, monsieur. Ah oui. OK. Parce que là, à l'heure actuelle, il y en a peut-être deux ou trois qui ont fait mieux que lui au total, là, au Canada. Ça veut dire qu'il... Puis vous dites que ça fait 9 mois qu'il s'entraîne, alors... Ben, qu'il s'entraîne, qu'il s'entraîne pour la compétition, effectivement. Et vraiment, c'est des mouvements qu'il avait déjà fait, mais en série haute, plus en culturiste, comme on dit, plus en musculation. Mais là, ça fait 7-8 mois qu'il s'entraîne spécifiquement, là, avec un but précis, puis avec des entraînements précis pour ce type de discipline. OK. Donc, c'est sûr qu'il avait à base. Ben, il y avait déjà à base, sauf que c'est sûr que c'est l'entraînement, la discipline, c'était... Il y avait une certaine force, mais là, on travaille spécifique. Comment il y en a dans la classe de 50-59 ans, des athlètes comme Harold au niveau national? Oh, il doit en avoir une cinquantaine sûrement. OK. La dynamophilie, ça progresse aussi, vous l'avez dit en début d'entrevue. Adolbo Mistassini, comment ça va? Adolbo Mistassini, ça va moyen. On dirait que c'est dur pour un jeune athlète. Quand tu es différent, tu es champion de même. S'il demeurait d'une grande ville comme Québec, il serait adulé et il serait considéré comme un dieu. Ici, il est peut-être plus vu plus comme une chose bizarre. C'est parce que c'est encore un petit peu. C'est pas encore dans ce qu'on voit ça très souvent. Là. OK. Là, vous venez de parler de William, mais moi, je vous parle du club en tel. Est-ce que le club va bien quand même? Y a-t-il pas mal de membres? Y a-t-il pas mal de... C'est ça. Ben, moi, je vais creuser. C'est sûr que j'ai aidé beaucoup à ça en essayant de promouvoir puis en ayant des bons résultats avec des athlètes. Ben, ça m'attire pas ça. Mais non, j'ai déjà même une couple de filles qui se préparent. J'ai une couple de gars aussi nouveaux qui se préparent pour le 2016, là. Ça devrait augmenter tranquillement. Okay. C'est de créer un intérêt. Puis essayer de démontrer aussi que c'est possible à plus de gens. Okay. Êtes-vous organisé et associé à Gestion Orpidôme pour faire de la publicité? Gestion Orpidôme qui a quand même plusieurs... Il y a des petits pamphlets, ils ont un site Internet. Est-ce que ça, vous... Est-ce qu'il y a... Non? Non, pas là, actuellement. OK. Ben, félicitations, il me reste qu'à vous féliciter, parce qu'évidemment, il y a un bon entraîneur, il y a des bons poulets, je les connais très bien, mais il y a également un bon entraîneur, puis je tiens à féliciter toute l'équipe pour ces exploits exceptionnels dans le cas de William et de Harold et même de Germain. Ben, vous êtes bien aimable, je vous remercie, puis on va continuer à travailler fort, puis essayer de rendre le plus jeune... Prochaine compétition pour les trois? Prochaine compétition, ben là, pour William, possiblement en février, en Saskatchewan. Pour le championnat canadien. Okay. Et après ça, ben, Harold, peut-être au mois de juin dans la Beauce, ça. Puis, en tout cas, on va y aller tranquillement. Il va commencer par faire le canadien, William, puis il devrait se qualifier, mais il y a le championnat du monde au mois de juin. Mais c'est au Texas, c'est encore des frais. Il faut penser tout le temps les frais d'avion, d'hôtellerie. Est-ce que la Fédé aide un peu dans comme ça de financement? Non, pas vraiment. Okay. Jusqu'à maintenant, là, il n'y a pas eu d'aide. Okay. Ben, bravo, félicitations, puis on va suivre après la carrière de William et d'Harold. Ben, j'ai déjà voilà, fait. Donc l'instructeur de Harold Veilleux et de William Veilleux, qui est Mario Roy, qui a vu ses deux poulains battre des records canadiens, dans le cas de William, même record du monde.